رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعر النجمة والعباد الغافلين قبلك وقبلي يا مسافر نعطيك وصيتي يا البكري شوف ما يصلح فيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما أسرارك أسرار وش الداني وش الداني انت وفيا غير انديا يا ابنيا راني نقول هالكا

prochaine, j'aime mieux tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Mini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. T'as souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sont sombres, c'est le faire pas délice. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus marron, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nash et Dan, en pécane. Didi Kaiser, si c'est obligé que t'es fan. Qu'il était plein, t'as fini au baladin. J'fais le tour du périph', c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'ai vidé des bouteilles. J'repars pour les gros, ça la m'a tous mes reilles. Je sais qu'un jour j'vais couler, oui que j'vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night, autant c'est abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, la musique nous a usé. Maman, encore moi, mon Kaizune. Tu connais les bails, hein? On connaît. Tu vas la secouer. Vraiment, vraiment. Tu vas la secouer. Fous le bordel, fous le bordel. DJ Kaiza, t'es fous le bordel. Fous le bordel, fous le bordel. Comme on est à son DJ Kaiza, fous le bordel. Fous le bordel, fous le bordel. Fous le bordel, fous le bordel. Fous le bordel, fous le bordel. D'achat. L'argent des gens nourrit les gens, mais l'argent de quelqu'un, c'est l'argent de l'autre. Ouais, c'est Rail Suprême. Laissez-moi de toi. Ah bon, c'est comme ça. Mets Aïni. 113, Taliani. C'est bon. Écoute. Et un babou. Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le Hedge, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Cheb Hesni, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Si Boston ou lâchez pas, laissez-moi de toi. Comme Robinson sur une île, mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, laisse-toi et danse. Et un babour, et un mon amour, Kharjni m'en la misère. Ibadi m'en ali mahdour, et taïli toujours imar. Marra bish m'okafno, fidèle et safi m'anta. Et d'en essaie de m'y qui je suis. Débrouillard, je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe, c'est con, dirou, sac à dos. Partir loin, sans les coussins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Skyrock. Skyrock.